Je veux voir serait Voglio vedere. Voglio vedere. Et je veux le voir. Voglio lo vedere. Attention, comment dit-on le savoir? Saperlo. Saperlo, oui. Donc, le voir. Vederlo. Maintenant, vous pouvez dire je veux le voir. Voglio vederlo. C'est ça. Voglio vederlo. On rattache le lo à la fin du verbe. Donc, lo veut dire le. Et là, c'est dit comme en français, là. Donc, je veux la voir se dit Voglio vederla. Voglio vederla. Je veux la voir. En fait, le vous du vouvoiement et le la se disent de la même façon. Donc, voglio vederla, c'est aussi je veux vous voir. Que le vous représente un homme ou une femme, peu importe, la traduction est la même. Sachant cela, comment diriez-vous je veux vous voir plus tard? Voglio vederla tarde. Pas tarde, mais tardi. Et vous devez dire plus tard. Più tardi. Più tardi. C'est ça, più tardi. Voglio vederla più tardi. Bien, voglio vederla più tardi. On peut ajouter aussi un peu, un po', en deux mots. Et donc, un peu plus tard, se dirait? Un po' tardi. Ça, c'est un peu tard. Ah. Un peu plus tard. Oh. Un po' più tardi. Voilà, un po' plus tardi. Et maintenant, je veux vous voir un peu plus tard. Voglio vederla. Veder. Ah oui. Recommencez. Voglio Voglio. vederla. Pas vi, mais ve. Vederla. Vederla. Vederla. Vous avez dit un peu plus tard. Oui, je veux vous voir un peu plus tard. Voglio vederla un po' più tardi. C'est ça. Voglio vederla un po' più tardi. Pour dire occupé, on dit occupato, avec deux C en italien aussi. Alors, comment direz-vous parce que je suis occupé maintenant, si c'est un homme qui parle? Perché io. Attention, on emploie io que pour insister, pour dire moi je. Perché sono occupato ora. Voilà, c'est ça. Perché sono occupato ora?